Bon après-midi, il est 13h15 dans nos studios de la radio associative indépendante Bonnet FM, même heure au boulevard de l'indépendance et à la route nationale numéro 16 dans les provinces Omonguer, Ouigui, le journal parlé en langue française au rendez-vous. Le journal vous est présenté par Willy Sindayeboura et la mise en onde est assurée par Jimmy Blaise-Denis. On y a d'abord le sommaire. Célébration ce jeudi 1er juillet du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les habitants de Romongué ont retenu du héros de l'indépendance et la politique de création des coopératives. Ceux de la capitale économique Bujumbura dénoncent les difficultés d'exercer leurs emplois. C'est au moment où le président de la République, Evariste Ndayishimiye, dans son discours, demande à l'ONU et à l'opinion internationale de soutenir le Burundi. Et les usagers de la route nationale numéro 16, Romongué-Bururi, crient au secours car cette route est en danger. C'est jeudi, comme à l'accoutumée, nous vous avons préparé la chronique sur les droits d'enfant. Bienvenue. Bon après-midi, célébration ce jeudi au 1er juillet 2021 du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies ont été rehaussées par le président de la République de Burundi, Evariste Ndayishimiye, et son épouse dans la capitale économique Bujumbura. Au boulevard de l'indépendance et le président de la République centrafricaine, le premier ministre du Rwanda, le premier ministre de la Tanzanie sont parmi les invités d'honneur présents dans ces cérémonies toujours en cours. Et certaines personnes de Romongué ont retenu du héros de l'indépendance et sa politique de création des coopératives. Ces habitants de Romongué demandent que l'unité de Burundi soit fortifiée et continuer à combattre la corruption. Depuis Romongué, Félix Ndorwanaya. La population de Romongué demande que le combat mené par le prince Louis Rwagasore contre la corruption, les détournements des deniers publics et le combat contre les délinquants soit poursuivi et soutenu. La politique des coopératives initiée par le prince Louis Rwagasore doit être bien étudiée pour que les coopératives soient des lieux de rassemblement et de cohésion sociale de tous les Burundais, comme ce fut le cas du temps du prince Louis Rwagasore. L'unité des Burundis dans sa diversité doit être soutenue. Les personnes âgées de la commune de Romongué contactées indiquent qu'ils connaissent bel et bien le prince Louis Rwagasore, car selon eux, le prince Rwagasore a tenu beaucoup de réunions, surtout dans le quartier Swahili de la ville de Romongué, où il rencontrait certains commerçants et d'autres leaders communautaires pour les sensibiliser à la revendication de l'indépendance du Burundi. Elles indiquent qu'il a maintes fois séjourné dans la ville de Romongué, où il tenait des réunions, et quelquefois, ils étaient avec même ceux de la Tanzanie, du parti TANU, de la République unie de Tanzanie. Des personnes âgées indiquent même que lorsque le prince Rwagasore a été détenu à la prison de Bururi, il était avec quelques leaders communautaires dans la ville de Romongué, avec qui ils étaient dans une réunion. La politique des coopératives initiée par le prince Rwagasore doit être aussi bien étudié pour que les coopératives soient le creuset de tous les Burundis, afin que les coopératives puissent être prospères comme cela fut le cas du temps de Rwagasore. Et ici, elle précise que du temps de Rwagasore, la commune de Romongué comptait trois coopératives très prospères, à savoir la coopérative qui était sur la colline Mugara, dans la zone de Gatete, la coopérative qui était sur la colline Minago, dans cette même zone de la commune de Romongué, la coopérative qui était dans la ville de Romongué. La population achetait tout ce qu'elles avaient besoin dans ces coopératives, mais avec les événements de 72, toutes ces coopératives ont été détruites. Ils demandent alors que ces coopératives soient bien étudiées afin que ces coopératives soient des lieux de rassemblement et de cohésion de tous les Burundis. L'unité nationale, l'unité des Burundais dans toute sa diversité aussi doit être soutenue pour aboutir à une paix durable. La population de Romongué demande surtout aux dirigeants, qu'à la population à tous les niveaux, de suivre les idéaux du prince Louis Rwagasore. Depuis Romongué, Félix Ndorwanaya, Bonne FM. Merci à Félix Ndorwanaya depuis Romongué vers la capitale économique Bujumbura. Certaines personnes qui se sont entretenues avec la radio Bonne FM se réjouissent de l'indépendance du Burundi. Cependant, d'autres signalent qu'il y a encore des lacunes malgré l'indépendance. Écoutez ce micro-trottoir. faut que le pays soit souverain. Le pays doit avoir la liberté d'organisation de soi. D'une manière générale, ni le n'ignore qui la paix règne actuellement. Alors qu'au contraire, pendant la période coloniale, il n'était pas souverain. Le pays n'avait pas le droit de s'organiser lui-même. Donc toutes les autorités en place, ils devaient et même avoir le tout pouvoir à ce qui concerne une organisation payante. Mais au contraire, ils n'avaient pas ce droit. Ils étaient là comme statut. Ils marchaient sous la pression colonisateur. Tous les citoyens ont droit d'expression actuellement. Tous les citoyens ont droit s'il est bien. Alors qu'au contraire, pendant la période coloniale, il n'y avait pas droit d'organisation. Les peuples étaient esclaves. Ce qui était malheureux, c'est être esclave dans le pays natal. Ça c'est plus malheureux. Alors qu'aujourd'hui, on est plus esclave, on est libre. Je sais qu'il est vraiment à l'époque où et n'importe quand. Il y a des choses qui montrent que notre pays est un condamné et qu'un citoyen du monde peut faire ce qu'il veut. Par exemple, s'il veut vendre des œufs, il peut le faire. Mais pendant la période coloniale, ce n'était pas le cas. Les citoyens n'avaient pas droit à leur terre, à leur propriété foncière. Avant, l'État était un panda. Et on se considérait comme des citoyens libres, mais actuellement, c'est une toute autre histoire. Quand on me surprend avec mes marchandises, on les jette directement dans la poubelle. Je suis en difficulté, vraiment. Si on nous exige de travailler, on fait ce qu'on peut, mais malgré cela, on se sent maltraité. On ne se sent pas dans un état indépendant. Et le héros de l'indépendance, Prince Louis Gagasore, mettait en avant la liberté et le développement de tout Burundi. Dans son discours, Gagasore mettait en garde tout voleur du trésor public et demande aux pays qui ont colonisé le Burundi d'être toujours proches et d'aider le Burundi. Prince Louis Gagasore. Le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundais l'accompagne à vœu, c'est-à-dire à des états de justice sociale plutôt qu'une forme extérieure d'une démocratisation des surfaces. L'heure est arrivée de se pencher sur les véritables problèmes de la nation. Problèmes d'économie surtout, problèmes de l'enseignement et tant d'autres, auxquels nous chercherons et trouverons des solutions qui nous sont propres. Il faut surtout que tous les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité, que personne ne se croit menacé et que chacun ait confiance de la protection du gouvernement. Les irresponsables, quels qu'ils soient. Par conséquent, les hommes qui se permettront de décourager ou importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie et seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable. Un châtiment dont ils se souviendront. Le peuple burundi de faire en son choix et nous n'avons pas le droit de le décevoir en exerçant le pouvoir qui nous a délégué pour assouvir nos rancœurs et notre orgueil. Nous avons fait notre politique en acceptant d'avance toutes les conséquences qui en découleraient. Mais c'est pour servir le pays, le peuple et le parti ne permettra pas. Personne ne fera se dévier notre idéal et notre but. À cette heure de la victoire d'un parti, futur et mieux, je ne suis pas grisé par le succès car pour moi et mes amis, au peuple belge, j'ai l'honneur d'adresser un message de attitude. La roue de responsabilité que vous, Berge, vous portiez, vous allez bientôt la transférer sur nos épaules et nous sommes conscients de nos devoirs. Nous vous demandons de nous aider à entreprendre l'avenir avec confiance, de continuer à nous aider avec générosité, à nous guider dans le respect de notre dignité. C'était le prince Louis Gagasore dans son discours lors de l'indépendance. Et dans son discours à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a demandé à l'ONU et l'opinion internationale de soutenir le Burundi afin de rompre avec les divisions ethniques semées par le colonialisme. Ndayishimiye précise que l'ONU a beaucoup aidé la Belgique et l'Allemagne pendant l'époque coloniale. Le président du Burundi signale que n'eût été le colonialisme, le Burundi serait un pays développé. Suivez le président de la République du Burundi, traduit en français par Alain Mutamanda. Le colonialisme est un crime comme tant d'autres. C'est un crime commis à l'endroit d'un être humain. À part l'Afrique, et dans notre continent, le Burundi a été handicapé par le colonialisme. Le Burundi était un pays développé en agriculture, élevage, ainsi qu'au commerce et l'industrie. Ni était le colonialisme, Le Burundi sera un pays développé. Nous sommes dans une période de nouveau construire. La communauté internationale devrait nous accompagner en attendant les indemnisations. Nous demandons à l'ONU de se souvenir de sa collaboration avec la Belgique lors du colonialisme et faire de la même manière pour venir nous aider à sortir dans cette situation. Il en est de même pour l'Allemagne, car ce dernier a beaucoup contribué en amenant la guerre au Burundi. Nous appelons alors tous ces acteurs de venir nous aider. Oui, c'était le colonialisme. Beaucoup de signes montraient que le Burundi aurait déjà atteint un pas dans le développement. L'opinion internationale devait nous tenir pour le pas déjà franchi en matière du développement. Transport à présent les usagers de la route nationale numéro 16 grognent que cette route contient des nids de poules. Ils font savoir que leur véhicule s'abîme suite à la défection de cette route. Ils précisent également que si rien n'est fait, cette route nationale deviendrait impraticable alors qu'elle est très utile pour le Burundi et surtout pour les usagers des provinces Ruyi et Rumonge. Ils demandent sa réhabilitation et les conducteurs des motos et des transporteurs à vélo dans la commune Ruyigi, nous sommes dans la province Ruyigi, n'ont pas bien accueilli la loi du ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique portant la suspension des frais payés par ceux qui veulent s'intégrer dans son métier. Quant aux nouveaux adhérents à son métier, cette mesure est salutaire. L'administrateur de cette commune, Antoine Semugala, fait savoir que cette mesure a été prise pour faciliter ceux qui veulent exercer ces métiers sans obstacle. Plus d'informations avec Aliane Yakodé. Le non-enregistrement des taxis vélos et des motards vis-à-vis de la mesure prise par le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité porte à suspension des frais payés par les nouveaux dans son mode de transport a été remarqué le 1er mai, le jour de la célébration de la fête du travail où ces derniers n'avaient pas participé au défilé comme il était dans l'habitude. Les associations s'exprimaient en disant qu'ils n'ont pas de représentants pour le moment et que leurs associations ont été détruites. Celui qui veut utiliser un vélo payait 70 000 la somme qu'on a augmenté jusqu'à 5 000 depuis le mois de janvier 2021 et chez les motards, le nouveau payait 300 000. Selon ceux qui se sont entretenus avec la radio Bonetia, les représentants ne déposaient pas ces frais en totalité sur le compte de l'association. Il y avait des frais consommés par les chefs et les nouveaux n'avaient pas droit à ces frais s'ils n'entraient pas dans les associations. Les taxis vélos payaient 500 francs BU par semaine et cette somme permettait aux membres de l'association à s'organiser dans des fêtes en utilisant cette épargne. Après l'affichage de ce mauvais comportement, une réunion a été organisée vis-à-vis de ces taxis vélos et des motards afin de leur exprimer le pourquoi de cette décision. Et Semugara Antoinette, administrateur de cette commune, a fait savoir que la décision a été prise pour permettre aux pauvres de faire le métier sans utiliser une somme dépassant leur capacité. Une punition est prévue pour celui qui utilise le vélo ou la moto, n'étant pas sur les listes des taxis vélos ou motards et dans des parkings connus. Les nouveaux taxis vélos qui n'ont pas de plaques sont priés d'aller les chercher dans les meilleurs délais. Depuis Ruyigi, Ariane est la cause pour la radio Bonnet FM. Chronique sur les droits de l'enfant sur Bonnet FM. La chronique sur les droits de l'enfant de ce jeudi nous fait parvenir au port de pêche olympique de la zone Cagnochan en commune Emoa, où certains des enfants aidaient les pêcheurs à exercer leur métier. Ces enfants affirment qu'ils éprouvent pas mal de difficultés et demandent aux responsables des droits de l'enfant de leur venir en aide et surtout de les assister. Vena Nyomungere s'est rendu sur les lieux. Arrivé au port de pêche olympique, plusieurs catégories de personnes s'y trouvent concentrées. À côté des pêcheurs et des vendeurs, on trouve aussi des enfants à l'âge de l'école. Ces enfants interviennent dans diverses activités. Il y a ceux qui préparent le repas des pêcheurs, ceux qui donnent coup de main aux pêcheurs et ceux qui vendent des articles diversifiés. Tous affirment qu'ils font face à d'énormes difficultés. Ce travail est fatigant. Supposons que tu sers beaucoup de bâtons. Par exemple, nous déchargeons les bateaux et nous levons ce que les pêcheurs ont emporté. Nous puisons de l'eau et nous servons à ces pêcheurs. Malgré ces difficultés, les enfants affirment que ce port est d'une importance capitale pour eux. Nous cherchons de l'argent pour acheter des chaussures et même les habits. Le reste m'aide pour souvenir à d'autres besoins. Si j'obtiens de l'argent, je passe à la maison et je m'achète une poupée. Il demande aux organisations tant nationales qu'internationales de venir les visiter et les assister. Alors qu'on appelle aux responsables des droits de l'enfant rendre visite pour se rendre compte de la situation afin de trouver des solutions. Une trentaine d'enfants en provenance des quartiers Nyabugete et Ruziva, en grande partie, se remarquent sur ce port de pêche et ne travaillent que jusqu'à 18h. C'est après que le président de ce port de pêche a récemment ordonné à ses enfants de quitter ces endroits avant 18h. Actualité internationale. L'actualité internationale en République démocratique et du Congo, la situation était tendue dès hier jusqu'à aujourd'hui, au 1er juillet. Dans la partie nord et au centre de la ville d'Uvira, la cause est la mort de deux personnes, dont un policier. C'est lors des accrochages entre les forces d'ordre et les habitants en colère au quartier Kavimvira hier. Et la découverte ce jeudi matin, toujours dans son même quartier, du corps sans vie envolé dans des sacs dont l'un de ses enfants manquait au début de cette semaine. Jean-Bekima Sirura Tchad, depuis la République démocratique du Congo. C'est toujours à travers les réseaux sociaux comme l'autre fois les jours de leur enlèvement que la population a appris la nouvelle de la découverte ce matin sur l'avenue Kamagnola au quartier Kavimvira du corps de l'enfant Christian Kaloukou, âgé d'au moins 7 ans. Son corps portait des traces d'étranglement au cou et emballé dans un sac. Dans le sac, on y a trouvé son sac au dos avec celui de sa sœur, enlevé ensemble sur le chemin de l'école depuis lundi dernier. Depuis très tôt le matin, ce jeudi déjà, de jeunes en colère avaient barricadé l'artère principale, la route nationale 5 à différents endroits. C'est notamment sur les ponts de rivière Moulongwe, à Kibondwe, Moulongwe et à Kavivira. Écoles, marchés, kiosques et dépôts magasins sont fermés au niveau des quartiers Kavivira, Rugenge, Kasenga, Kakombe et Moulongwe. À part les deux personnes dont un élément de la police est morte hier, quatre personnes et autres sont blessées selon le président de la jeunesse au quartier Kavivira. Kizatini Koransegne, l'incident est survenu quand la police est venue pour secourir un présumé kidnappeur d'enfants. Un jeune homme de 25 ans a été touché par balle au cou et a succombé à ses blessures. Pendant que je rédige ces papiers, il est 12h10. Une source sûre au quartier Kavivira indique que la fillette Hélène Fatouma vient d'être retrouvée dans une maison d'habitation à Kavivira. Ouvira, Jean-Bekima Seroulatia pour RFM Bonesha FM. Merci Jean-Bekima Seroulatia, 13h35, 12 secondes, point final à ce premier journal en français du mois de juin 2021. Merci à tout un chacun pour sa collaboration, merci pour votre fidélité, surtout merci à Jimmy Blaise et Nidon Isa pour sa parfaite collaboration technique. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboula. Bonne suite de programme et bonne fête à tous les Burundais. Tuyikunda yemeje kurangura imico myiza.